podcast France Culture. La préhistoire du futur, de Benjamin Habitant, saison 3. Maintenant en podcast natif. Épisode 4. Le comportement passif-agressif des clones. Il y a bien longtemps, dans les années 2020 ou un truc comme ça, on se mit à élever des clones de soi. On l'a déjà dit dans un autre épisode. Mais de toute façon, le temps n'est pas linéaire. Il est replié sur lui-même comme une couronne d'épines. Et c'est pourquoi l'humanité est condamnée à la souffrance. Bref, les clones, oui, ça faisait plein de situations cocasses. Julie, t'as mis où le desktop ? Les toilettes sont encore bouchées. Oui, mais c'est pas moi, c'est mon clone. Bah, j'ai pas dit que c'était toi. Les auteurs de comédies eurent au fait de dégager le potentiel comique de ces nouveaux usages. Tout n'était que malentendu et quiproquo en cascade. C'était irrésistible. Mais chérie, c'est une véritable infection. Et justement, le soir, on reçoit Monsieur la Truffe. Attention. Mais babou, c'est pas moi. C'est mon clone. Puis assez vite, ça retomba. Dis donc, ça commence à plus trop m'amuser de nettoyer derrière toi. Mais je t'ai déjà dit que c'était mon clone. Ouais, aha. Ah non, mais je déconne pas. À présent qu'on ne riait plus, on regarda à côté de soi. Eh oui, les clones étaient bien là. Ils partageaient notre quotidien désormais. On allait toujours les avoir sur le dos. On les considéra en soupirant. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? D'abord, on essaya par tous les moyens de leur trouver un emploi dans la vie de tous les jours. Et ça marchait. Mais seulement pour des petites choses simples. Tiens, tu m'aides à plier la housse de couette ? Ouais, si tu veux. Tu pourrais éviter de fumer le cigare dans la chambre, par contre, je t'ai déjà dit. Oh. Puis on réalisa qu'il n'était pas vraiment capable de nous remplacer. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de mon clone. En cas de vrai motif, merci de me joindre sur mon numéro personnel 0718. Nous pourrir la vie, en revanche. Ça, ils en étaient bien capables. Monsieur Intel, merci d'être venu pour cet entretien. Alors, je lis dans votre dossier que vous parlez italien couramment. Possible, ouais. Je vois aussi que vous avez pratiqué le tir à l'arc, c'est vrai ? Bah, si c'est marqué, ça doit être vrai, non ? Mais vous n'en êtes pas sûr ? Ah non, moi je suis le clone, l'original pouvait pas venir. Pardon, mais ça vous ennuierait de prendre un mouchoir ? En fait, on finit par réaliser qu'ils n'étaient pas spécialement bien disposés à notre égard. Ils n'avaient aucun sens de la bienveillance. Ils étaient froids, sans amitié. Incapables d'empathie. Ils nous jugeaient. Bon, passons à votre formation. Vous avez donc fait des études de biologie. Encore une fois, si c'est marqué, ça doit être vrai. Mais comme ils ne pouvaient pas s'opposer à nous frontalement... Ils le faisaient par en dessous, à travers mille petites remarques perfides. À moins, bien sûr, qu'il y ait eu un problème d'imprimante et que l'encre ait accidentellement formé ses mots sur le papier. C'est ça ? Les moins parano d'entre nous ne s'en apercevaient pas forcément. Il fait un temps splendide. Si on dressait la table sur le balcon... Bonne idée, comme ça on pourra peut-être se jeter dans le vide. Ha ha, super ! Mais quiconque avait le sens de la persécution eut au fait de le voir. Au fond, nos clones cherchaient à nous détruire. Bon, merci monsieur Intel, on vous tient au courant. Surtout, vous ne sentez pas obligé. Des plateformes d'aide psychologique firent leur apparition. Mon clone est une perverse narcissique. Que faire ? Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez peur qu'une personne ne vous aime pas. Et pour la première fois, cette personne, c'est vous. Mais on comprit vite que ce n'était pas de vraie plateforme d'aide. C'était juste les clones qui nous trollaient. Mais mettez-vous à la place de cette personne. Est-ce qu'elle n'a pas un peu raison ? Êtes-vous vraiment à l'abri de la médiocrité ? Vous en êtes arrivé à chercher du réconfort sur Internet parce que votre propre image vous foutait le cafard. Ça ne vous met pas la puce à l'oreille. Hein ? Ça commençait à bien faire. On passait son temps à pleurer bêtement. On voulut crever l'abcès. Savoir ce que les clones nous reprochaient au juste. Le gouvernement mit en place une médiation entre les clones et les originaux. On commença par faire un clone du médiateur pour que celui-ci ait un interlocuteur direct. Bonjour. Bonjour. La conversation s'engagea. C'était une confrontation historique. L'humanité était enfin face à elle-même. Les clones commencèrent par nier en bloc. Écoutez, on n'a pas l'impression d'être tellement agressif. Est-ce que vous pourriez donner des exemples précis ? C'est-à-dire qu'on note pas dans un carnet chaque fois que vous êtes agressif. Mais d'accord, mais du coup, on fait comment pour savoir de quoi on parle ? Enfin, je sais pas. Puis peu à peu... Ils en vinrent à se justifier. En fait, c'est juste que des fois, on a du mal avec le second degré et on dit juste les choses comme elles sont. Et ça crée des malentendus, peut-être, mais c'est vraiment involontaire. En fait, on a fait des tests sur Internet et il est très possible qu'on ait tous le syndrome d'Asperger. Enfin, après environ une semaine de pourparlers. On comprit que les clones nous trollaient depuis le début. Et qu'ils n'avaient aucune envie que les choses s'arrangent. Ils se foutaient simplement de notre gueule. Bon, eh bien je crois qu'il reste quelques points de tension, mais dans l'ensemble ça devrait aller mieux après qu'on ait parlé de tout ça, non ? Pardon ? Je dis que ça devrait aller mieux après qu'on ait eu cette discussion. Après qu'on a eu cette discussion, hein ? Après qu'on aura eu cette discussion. On a dit qu'il fallait faire attention au langage et au sens des mots. Oui, après mais... que prend l'indicatif. Le subjonctif sert à saisir le procès dans sa virtualité. Mais cette discussion n'était pas virtuelle, je crois. À moins qu'on soit dans une réalité parallèle et que rien de tout ça n'existe vraiment. Tout cela ne serait-il qu'illusion ? Le monde sensible n'est-il qu'un théâtre ? Sommes-nous dans la matrice une fois ? Arrêtez de prendre cet accent, je vous en supplie. Alors arrêtez d'employer le subjonctif n'importe comment ! Ainsi prit fin la médiation. Il fallut se rendre à l'évidence. Nos clones étaient juste une bande de connards sadiques. Chérie, j'ai si peur. Tu crois que nos clones pourront nous trouver ici ? Mais non, ne t'en fais pas. Ils ne savent pas que nous possédons un lit coffre. Ils finiront par s'en aller. Tu as raison, mais qu'allons-nous devenir ? Il n'y a pas une odeur bizarre ? C'est pas moi. C'est mon clone ! On vécut quelque temps dans la terreur. Terré dans l'hélicoffre et les placards à balais. Dans l'angoisse du moment où il faudrait à nouveau affronter nos doubles maléfiques. J'ai peur. Et puis on se rappela pourquoi on s'était mis à faire des clones. Pour éviter ça. Nolan, assieds-toi correctement. Je vous donne 5 minutes pour vous calmer. Si seulement on pouvait se passer d'élever des enfants. Oui, mais comment faire ? Tu sais bien que nous devons assurer la transmission de notre patrimoine génétique, et c'est la seule solution, hélas. À moins que... Tu crois ? Depuis, quand on a un coup de blues... On repense à ça. Ah ! Mais c'est bien ! Non ! Et finalement, ça nous paraît pas si pire. Quelques remarques un peu piquantes. Émanant d'adultes civilisés qui nous ressemblent en tout point. Alors on les provoque parfois. Juste pour entendre leur voix grave et douce. Perfide. Perverse. Mais grave et douce et feutrée. Oui, donc tu peux éviter les cigares dans la chambre ou... Et ta sœur, tu crois qu'elle peut les éviter, les cigares dans la chambre ? On s'est vraiment bien trouvés tous les deux. C'était La Préhistoire du Futur, de Benjamin Habitant. Avec Elisabeth Mazev, Mario Bastelica, Juliette Alozen, Cyril Texier, Fleur Sully, Benoît Guibert, Adeline Chagnot, François Debreu, Annabelle Croz, Samuel Roger, Laurence Maillot, Alain Fromager. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Bruitage Sophie Bissante. Prise de son, montage et mixage Éric Boisset et Pierre Henry. Assistante à la réalisation Clémence Boucher. Réalisation Benjamin Habitant.